Lévitique chapitre 5. Et quand quelqu'un aura péché lorsqu'il aura ouï quelqu'un proférant quelques paroles exécrables, et en aura été témoin, soit qu'il l'ait vu ou qu'il l'ait su, et ne l'aura point déclaré, il portera son iniquité. Ou quand quelqu'un aura touché une chose souillée, soit la charogne des bêtes sauvages immondes, soit la charogne des animaux domestiques immondes, soit la charogne des reptiles, lesquels sont immondes, quoi qu'il ne s'en soit pas aperçu, il est toutefois souillé, et coupable. Ou quand il aura touché à la souillure d'un homme, à quelque ce soit de ses souillures, soit qu'il ne s'en soit pas aperçu, soit qu'il l'ait connu, il est coupable. Ou quand quelqu'un aura juré en proférant légèrement de ses lèvres de faire du mal ou du bien, selon tout ce que l'homme profère légèrement en jurant, soit qu'il ne s'en soit pas aperçu, soit qu'il l'ait connu, il est coupable dans l'un de ces points. Quand donc quelqu'un sera coupable en l'un de ces points-là, il confessera en quoi il aura péché. Et il amènera la victime de son péché à l'Éternel pour le péché qu'il aura commis, savoir une femelle du menu bétail, soit une jeune brebis, soit une jeune chèvre, pour le péché, et le sacrificateur fera propitiation pour lui de son péché. Et s'il n'a pas le moyen de trouver une brebis ou une chèvre, il apportera à l'Éternel pour offrande du péché qu'il aura commis, deux tourterelles, ou deux pigeonneaux, l'un en offrande pour le péché, et l'autre, pour l'holocauste. Il les apportera, dis-je, au sacrificateur, qui offrira premièrement celui qui est pour le péché, et il leur entamera la tête avec l'ongle vers le cou, sans la séparer. Puis il fera aspersion du sang du sacrifice pour le péché sur un côté de l'autel, et ce qui restera du sang on les prendra au pied de l'autel, car c'est un sacrifice pour le péché. Et de l'autre il en fera un holocauste, selon l'ordonnance, et le sacrificateur fera pour lui la propitiation pour son péché qu'il aura commis, et il lui sera pardonné. Que si celui qui aura péché, n'a pas le moyen de trouver deux tourterelles, ou deux pigeonneaux, il apportera pour son offrande, la dixième partie d'un épha de fine farine, mais il ne mettra sur elle ni huile ni encens, car c'est une offrande pour le péché. Il l'apportera au sacrificateur, qui en prendra une poignée pour mémorial de cette offrande, et la fera fumer sur l'autel, sur les sacrifices faits par feu à l'Éternel, car c'est une offrande pour le péché. Ainsi le sacrificateur fera propitiation pour lui, pour son péché qu'il aura commis en l'une de ces choses-là, et il lui sera pardonné, et le reste sera pour le sacrificateur, comme étant une offrande de gâteau. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, « Quand quelqu'un aura commis un crime et un péché par erreur, en retenant des choses sanctifiées à l'Éternel, il amènera une victime pour son péché à l'Éternel, savoir un bélier sans tare, pris du troupeau, avec l'estimation que tu feras de la chose sainte, la faisant en cycle d'argent, selon le cycle du sanctuaire, à cause de son péché. Il restituera donc sans quoi il aura péché en retenant de la chose sainte, et il y ajoutera un cinquième par-dessus, et le donnera au sacrificateur, et le sacrificateur fera propitiation pour lui, par le bélier du sacrifice pour le péché, et il lui sera pardonné. Et quand quelqu'un aura péché, et aura violé quelqu'un des commandements de l'Éternel, en commettant des choses qu'on ne doit point faire, et qu'il ne l'aura point su, il sera coupable, et portera son iniquité. Il amènera donc au sacrificateur, un bélier sans tare pris du troupeau, avec l'estimation que tu feras de la faute, et le sacrificateur fera propitiation pour lui de la faute qu'il aura commise par erreur, et dont il ne se sera point aperçu, et ainsi il lui sera pardonné. Il y a du péché, certainement il s'est rendu coupable contre l'Éternel.